Attendre le signal de Dieu est essentiel dans la marche chrétienne si on veut être béni de Dieu. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Comment vous y prenez-vous pour prendre des décisions importantes? Y réfléchissez-vous bien et demandez-vous conseil à vos amis? Ou bien prenez-vous une décision impulsivement pour ensuite réfléchir plus tard à la sagesse de votre décision? Nous n'avons pas à prendre seuls toutes nos décisions difficiles. Nous avons un conseiller, Jésus-Christ, et celui-ci veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Les horaires et le calendrier de Dieu sont parfaits, bien que parfois nous les trouvions difficiles à accepter. Nous n'aimons pas attendre. Le message d'aujourd'hui nous rappelle de toujours chercher les directives et les réponses de Dieu. Demeurez à l'écoute alors que Charles Stanley explique comment s'appuyer sur Dieu et discute de l'importance d'attendre son signal. Une des raisons principales pour laquelle nous nous écartons de la volonté de Dieu, nous étouffons notre relation intime avec le Seigneur et nous prenons les mauvaises décisions, c'est que nous ne connaissons pas le calendrier établi par Dieu. Nous allons donc de l'avant et nous prenons des décisions sans connaître la volonté et le but de Dieu. Je désire donc vous encourager à attendre les réponses de Dieu. Attention! Attendre de connaître la volonté de Dieu ne signifie pas demeurer inactif. Cela signifie faire une pause jusqu'à ce que nous recevions des instructions de Dieu. C'est la définition la plus simple que je peux vous donner pour comprendre l'expression « attendre de connaître la volonté de Dieu ». Cela signifie qu'il ne faut pas aller de l'avant avant de recevoir de nouvelles instructions de Dieu. Cela signifie qu'il faut demeurer à notre poste, ne rien modifier à nos circonstances, quelles qu'elles soient, avant de recevoir des directives de Dieu. Apprendre à attendre est absolument essentiel pour notre vie chrétienne. Si nous voulons marcher dans l'obéissance à Dieu et recevoir le meilleur de ses bénédictions, cela ne signifie pas que Dieu ne nous accordera pas certaines bénédictions si nous le devançons. Cependant, Dieu ne nous accordera pas ses bénédictions les plus importantes. Souvent, précéder Dieu avec un projet signifie que nous ferons une énorme erreur que nous regretterons amèrement. Parfois, nous regretterons notre décision quelques années plus tard. Parfois, nous la regretterons le lendemain. Attendre Dieu signifie que je lui fais confiance au moment présent, bien qu'il ne semble rien se passer. Attendre signifie que je patienterai jusqu'à ce qu'il m'indique exactement ce qu'il désire que je fasse et comment il désire que j'accomplisse ma tâche ou ma mission. Je désire que vous remarquiez une autre chose. Combien de fois Dieu nous demande-t-il d'attendre dans les Écritures? Lisons le psaume 27, verset 14. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Le mot hébreu « kava », traduit « espère », se traduit aussi « attendre », « se confier à », « espérer », « s'attendre à ». Parfois, il faut du courage pour attendre. Nous pensons « bien, si je ne fais pas cela immédiatement, je vais laisser passer une belle occasion. Si je ne profite pas de cette occasion, je risque de le regretter. » Par contre, Dieu dit « que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Maintenant, examinons ce que nous enseigne le psaume 25, verset 5. « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » David avait appris à attendre les instructions de Dieu avant de passer à l'action et à respecter son calendrier et ses objectifs. Examinons maintenant le psaume 62, un de mes psaumes préférés. Lisons le verset 2 et le verset 6. « Le Seigneur m'a beaucoup parlé par ce psaume, et je reviens lorsque je dois prendre une décision. » Versets 2, 6 et 7. « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. » Le mot hébreu « daman », traduit par « confie-toi » au verset 6, comprend le sens d'attendre silencieusement, d'attendre avec tranquillité d'esprit. Cependant, je dois confesser que souvent, lorsque j'attends après Dieu, je ne suis ni silencieux ni paisible, mais je me plains. Parfois, j'explique à Dieu pourquoi je pense qu'il devrait passer à l'action immédiatement. Mon âme attend paisiblement en silence devant le Seigneur et devant personne d'autre. Qu'est-ce que cela signifie? Si je suis disposé à attendre paisiblement, c'est que je suis arrivé à un point où je fais confiance à Dieu, bien que je ne vois pas où il veut me conduire exactement. L'attente et la confiance sont absolument inséparables. Si vous avez appris à attendre, c'est parce que vous faites confiance à Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Allons maintenant au chapitre 40 du livre d'Ésaïe, lisons à partir du verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ces versets ne sont pas difficiles à interpréter. Nous voyons des personnes à l'œuvre qui pourraient vouloir tout laisser tomber parce qu'elles deviennent épuisées. Dieu dit que ces personnes courront sans se lasser ou se fatiguer. Les adolescents et les jeunes hommes finissent par se fatiguer. Cependant, Dieu dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » L'aigle était le meilleur exemple qu'Ésaïe pouvait employer pour décrire ceux qui prennent leur vol, ceux qui volent au-dessus des problèmes et des difficultés. Dieu veut que nous apprenions à lui faire confiance. Le courant d'air qui nous permet de nous envoler, c'est notre confiance en Dieu. Si je lui fais confiance, je porterai un certain fardeau. Est-ce que ces versets affirment que je ne serai jamais fatigué? Non. Nous pouvons être épuisés, d'avoir travaillé avec ardeur, mais ce n'est pas la même chose que d'être fatigué d'un travail spécifique, c'est-à-dire de se sentir déprimé à cause de ce travail. Nous pouvons fonctionner un certain temps tout en étant épuisés physiquement. Cependant, lorsque nous éprouvons une certaine lassitude dans notre âme, cela évoque quelque chose au sujet de notre confiance en Dieu. Si nous faisons confiance à Dieu, si nous le croyons et si nous apprenons à mettre notre espérance en lui, nous deviendrons épuisés. Cependant, Dieu nous redonne de l'énergie. Il dit que nous nous envolerons comme des aigles. Nous allons courir sans nous épuiser. Nous marcherons sans nous fatiguer. Dieu n'est pas sans savoir que nous rencontrons des difficultés et des épreuves pendant notre vie. Si nous avons appris à nous appuyer sur Dieu, si nous avons appris à lui faire confiance, si nous avons appris à attendre ses instructions pour respecter son calendrier et ses objectifs en ce qui nous concerne, peu importe ce à quoi nous devrons faire face, nous pourrons nous envoler comme un aigle et voler au-dessus des problèmes. Nous serons victorieux. C'est ce que Dieu promet. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, verset 31. Nous ne deviendrons pas déprimés et nous ne nous découragerons pas. Nous ne démissionnerons pas et nous ne laisserons pas tout tomber. Dieu pourvoit toute l'énergie et toute la puissance dont nous avons besoin. Parfois, ce n'est qu'une question d'attente. Au cours des années, j'ai appris, et j'espère que je retiendrai toujours la leçon, que lorsque je suis fatigué et que j'ai besoin d'un peu de repos, il est bon de m'étendre une dizaine de minutes et de simplement parler au Seigneur. Je lui dis ce que je pense et ce que je ressens. Et je lui dis que j'ai besoin de refaire le plein d'énergie. Souvent, quelques minutes de conversation avec Dieu et réclamer les promesses d'Ésaïe 40, verset 31, suffisent. En effet, il promet que nous nous envolerons comme des aigles, que nous courrons sans nous lasser et que nous marcherons sans nous fatiguer. nous ne nous découragerons pas. Il faut faire confiance au Seigneur et nous appuyer sur la puissance de Dieu. La joie de l'Éternel sera notre force. Citation de Néhémie, chapitre 8, verset 10. Nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur et apprendre à attendre qu'il nous indique sa volonté. L'attente et la confiance sont indissociables. La confiance dit « Je suis prêt à attendre ». Le fait d'attendre dit « Je vais faire confiance à Dieu, qu'importe ce qui arrive ». Écoutez ce que Dieu dit dans Ésaïe 64, verset 3. « Jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui ». Que dit Dieu par la bouche du prophète dans ce verset? Qu'importe ce à quoi je dois faire face, des circonstances particulières par exemple, des problèmes, des peines, des fardeaux ou même des défis, si je désire l'aide de Dieu, je dois me confier à lui. Dieu agit lorsque nous nous confions à lui. Réfléchissez maintenant à ceci. Qui peut être le meilleur joueur dans votre équipe si ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant? Dieu fait équipe avec ceux qui apprennent à se confier à lui. Si j'ai appris à attendre les instructions de Dieu, j'ai aussi appris à lui faire confiance. Le meilleur moyen que nous avons de glorifier Dieu et de lui rendre l'honneur qui lui est dû, c'est de lui faire confiance. Lui faire confiance équivaut à dire à Dieu, « Je sais que tu es fiable. Tu es celui que tu affirmes être. Je vais investir tout mon avenir en toi parce que je crois que tu es le Dieu de cet univers. Tu es un Père céleste qui aime les siens. Tu désires mon plus grand bien. Je vais te faire confiance, qu'importe ce que je vois et j'entends. » Maintenant, pour ce qui est des temps d'intimité pendant lesquels vous parlez au Seigneur, allez-vous aussi l'écouter personnellement? Allez-vous suivre ses instructions? Allez-vous attendre les réponses de Dieu, alors que tout votre entourage vous pousse à aller de l'avant et à vous hâter? Dieu vous dit de ne même pas penser à lever le petit doigt avant de recevoir ses instructions. Mes amis, les pressions viennent de toutes parts. Il y a toujours quelqu'un pour nous dire « Voici ce que je pense que tu devrais faire » ou « Je crois, moi, c'est la chose la plus sage à faire. Si tu es intelligent, c'est ce que tu feras. » Par contre, Dieu nous dit « Que vas-tu croire? Ce que tu vois ou ce que je dis? Vas-tu me croire ou vas-tu croire les autres? » Tout se résume à cet énoncé. Vous ne pouvez pas vous fier à quelqu'un d'autre pour prendre vos décisions. C'est pour cette raison que, semaine après semaine, afin de vous encourager, j'explique les principes bibliques. Lorsque vous les inscrivez dans votre cœur et dans votre cerveau, vous apprenez les voies de Dieu et vous pouvez prendre des décisions selon la sagesse divine et la volonté de Dieu, ce qui permettra à Dieu de bénir vos entreprises. Vous avez appris à entendre la voix de Dieu, à la suivre, à la laisser marcher devant vous, à lui obéir, qu'importe ce que disent ou pensent les autres. Avant de faire quoi que ce soit au sujet d'un projet ou d'une mission, êtes-vous prêt à attendre que Dieu vous dise de vous mettre en marche? Lorsque vous faites cela, vous marchez dans la meilleure direction possible au meilleur moment. Vous ne pourriez faire mieux. Personne ne peut vous nourrir à la petite cuillère toute votre vie. Vous devez maîtriser suffisamment la parole de Dieu pour l'appliquer à votre vie. Cependant, cela ne vous évitera pas de faire des erreurs. En fait, nous faisons toujours beaucoup d'erreurs. Eh bien, permettez-moi de vous donner un petit mot d'encouragement. Lorsqu'une personne s'est engagée à faire la volonté de Dieu, lorsqu'une personne désire sincèrement obéir à Dieu, elle fait tout de même des erreurs. Elle manque d'expérience et elle peut devancer Dieu plutôt que de marcher derrière lui. Cependant, Dieu sait que son cœur est pur, qu'elle a voulu faire ce qui est bien, qu'elle a eu un moment de faiblesse, qu'elle a écouté une mauvaise voix et qu'elle a écouté sa chair. Que fait Dieu dans de tels cas? Dieu est disposé à utiliser cette erreur et en tirer le meilleur. Lorsque Dieu sait qu'une personne apprend de ses erreurs, il va la protéger, même lorsqu'elle fait une erreur. il la protégera même des grosses erreurs, surtout si la personne a une bonne attitude, si elle réagit en disant « Ok Seigneur, je te remercie pour cela. La prochaine fois, je saurai comment mieux réagir dans une situation semblable. » Dieu nous voit alors que nous marchons sur cette terre au milieu de la méchanceté et que nous essayons de faire sa volonté et d'apprendre à marcher dans ses voies. Dieu est avec nous et il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Il est disposé à nous donner le meilleur. Lorsque Dieu nous demande d'attendre, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. De nombreux versets nous demandent de nous confier à Dieu et de placer notre espoir en lui. Je vous en ai cité quelques-uns qui sont importants et qui nous aident à comprendre l'importance d'attendre les instructions de Dieu. Permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi est-il sage d'attendre? Pourquoi devrions-nous attendre alors que toutes les pièces du puzzle semblent en place? Pourquoi attendre quand tout semble prêt? Je peux vous proposer quelques raisons. Premièrement, nous devons attendre le signal de Dieu afin de recevoir des instructions claires au sujet de notre vie. Mes amis, il est important de connaître la direction que Dieu veut donner à notre vie avant de prendre des décisions importantes. Je pense à des personnes qui ont pris des décisions financières. Cela semblait être la chose sage à faire. Elles n'ont pas prié à ce sujet, elles n'ont pas consulté Dieu. Elles se sont simplement dit que la décision semblait être une bonne idée. Pouvez-vous me nommer une seule chose au sujet de laquelle je ne devrais pas consulter Dieu? Étant donné le monde dans lequel nous vivons, que ce soit dans le domaine financier, professionnel ou familial, nous devrions toujours parler à Dieu, écouter ce qu'il dit et le consulter. Nous devrions tout examiner à la lumière de sa volonté, de ses objectifs, de ses plans et de sa parole. Tout doit être passé au crible. Nous devons donc attendre afin de recevoir des instructions claires de la part de Dieu. Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » L'Évangile selon Luc, chapitre 24, verset 49. Parfois, pour recevoir une réponse claire, nous n'avons qu'à attendre tout en consultant Dieu dans la prière. Deuxièmement, il est important d'attendre pour que nous puissions suivre son calendrier, pas le nôtre. Parfois, Dieu et nous voulons la même chose, mais nous la désirons pas nécessairement au même moment. Notre Créateur est peut-être en train de préparer quelque chose, de mettre en place quelques éléments, et il désire peut-être transformer une chose dans notre vie avant de nous confier une tâche ou une mission. Il se peut que Dieu ne considère pas que nous soyons prêts pour le moment. Cela ne signifie pas que nous ne le serons jamais. Parfois, Dieu nous dit « Oui, tu feras cela, mais pas immédiatement. » Ce n'est pas le moment propice. J'ai établi un calendrier différent du tien. Je te demande d'attendre encore. Il est donc essentiel que nous méditions la parole de Dieu. Il faut toujours demander à Dieu de nous indiquer la prochaine étape. Respecter les échéanciers et le calendrier de Dieu se fait une étape à la fois. Il arrive aussi que Dieu nous demande d'attendre parce qu'il a besoin de nous préparer pour sa réponse. Par exemple, supposons que vous pensiez à vous marier. Dieu sait que ni vous, ni votre fiancé n'êtes prêts pour ce grand pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que vous vous mariez, mais il sait que vous n'êtes pas prêts. Dieu vous dit d'attendre, mais vous lui répondez. Pour quelle raison devons-nous attendre? Après tout, n'avez-vous pas atteint la trentaine et ne serez-vous pas bientôt un peu trop vieux pour vous marier? Finalement, vous rencontrez l'âme sœur, mais vous ne tenez pas à attendre. Cependant, une voix vous dit « Ne te marie pas immédiatement ». Dieu sait ce que nous pouvons faire et quand nous sommes prêts à le faire. Une chose qui sera une source de joie et de bonheur plus tard serait une situation explosive aujourd'hui. Ce qui sera un délice l'an prochain vous détruirait aujourd'hui. Parfois, Dieu doit nous préparer à recevoir ses dons, ses bénédictions et à entreprendre la prochaine étape qu'il a planifiée pour nous. Dieu veut vous élever d'une façon quelconque. Cependant, ce doit être fait selon son calendrier. Si vous n'attendez pas le moment choisi par Dieu, vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a prévu pour vous et vous vous attirez des ennuis. Les gens de votre entourage en souffriront aussi. Quatrièmement, Dieu emploie les périodes d'attente afin d'affermir notre foi en lui. Parfois, Dieu nous révèle ses projets pour notre futur, mais il ne les met pas à exécution immédiatement. Cela nous force à nous remettre en question. Est-ce que j'ai bien entendu ce que Dieu a dit? Est-ce que j'ai mal compris Dieu? Parfois, Dieu est clair, comme de l'eau de roche, et parfois, il tarde à accorder la bénédiction promise. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Il éprouve notre foi afin de l'affermir. Je sais exactement ce que Dieu a dit et promis, mais afin d'affermir ma foi, dans le but de me former, il me fait passer par une période d'attente. Cinquièmement, Dieu nous fait attendre pour que nous réfléchissions à nos motifs et à nos désirs. Nous pouvons désirer la même chose que Dieu, mais pour une mauvaise raison. Je peux vouloir exercer un ministère pour une raison égoïste. Est-ce que nous voulons faire une chose vraiment parce que nous croyons que c'est la volonté de Dieu ou pour une autre raison? Sommes-nous disposés à nous sacrifier pour le Seigneur? Voulons-nous vraiment le servir? Quel est notre véritable motif lorsque nous entreprenons une tâche ou un projet? Le Seigneur nous dit d'attendre. Pendant ce temps, nous venons à lui dans la prière, nous sondons les Écritures, nous examinons notre cœur et nos circonstances. Lors de ce processus, nous découvrons que nous voulons faire la volonté de Dieu, mais pour une mauvaise raison. Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Il veut que nous le servions pour sa gloire et non pour la nôtre. Que fait Dieu alors? Il nous purifie. Il nous transforme à l'image de son Fils. Il veut toujours le meilleur pour nous. Dieu nous fait attendre afin de nous obliger à examiner nos véritables motifs. Comment devons-nous attendre? Comment pouvons-nous attendre avec sagesse? Nous devons attendre avec patience. Nous n'aurons pas le temps de regarder tous les psaumes qui traitent de la patience. Nous en avons déjà lu quelques-uns. Nous devons attendre avec patience. Nous devons attendre paisiblement. Nous devons faire confiance à Dieu en attendant sa réponse, et nous devons nous attendre à n'en recevoir une. Nous devons attendre avec persévérance. Nous devons attendre courageusement, croyant que Dieu nous a parlé clairement. Nous devons croire de tout cœur et nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous devons attendre patiemment, paisiblement, sans nous plaindre. Nous devons attendre avec confiance jusqu'à ce que Dieu fasse ce qu'il a dit. Nous devons persévérer jusqu'à ce que Dieu nous ouvre la porte. Il nous faut du courage pour attendre. Nous devons nous appuyer sur la Bible et croire que Dieu fera tout ce qu'il a dit. Attendre les instructions de Dieu est une des leçons spirituelles les plus importantes à apprendre. Nous devons être patients et faire confiance à Dieu, car nous devrons résister à la pression provenant de personnes qui veulent que nous prenions une décision immédiatement parce que cela leur convient ou parce que cela cadre avec leur calendrier. Si Dieu ne vous a pas donné ses instructions, il est plus sage d'attendre, peu importe ce que pensent les autres. Prions. Père Céleste, nous te remercions car tu nous guides. Sans cela, nous ne causerions que des dégâts si nous étions laissés à nous-mêmes. Je te prie pour les auditeurs qui doivent prendre une décision, majeure et qui hésitent. Ils s'inquiètent au sujet de cette décision et ils n'ont pas la paix dans leur cœur. Seigneur, aide-les à comprendre que tu les défends et les protèges. Tu les entoures et tu étends sur eux ton amour et ta protection afin qu'une belle bénédiction ne leur échappe pas. Cependant, Seigneur, il y a une chose au sujet de laquelle tu nous demandes de ne pas attendre. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Le jour du salut, c'est aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas plus tard, mais aujourd'hui. Je prie pour les auditeurs qui ne sont pas sauvés, afin qu'ils sachent que c'est le temps de donner leur vie au Seigneur Jésus en lui confessant. Oui, je veux que le Seigneur Jésus prenne les rênes de ma vie. Je veux que ma vie devienne utile. Je veux les bénédictions de Dieu. Je ne veux plus attendre. Et cette prière, je te la fais, au nom du Seigneur Jésus et pour sa gloire. Amen. Dans l'émission d'aujourd'hui, Charles Stanley nous a expliqué la nécessité de chercher les instructions de Dieu avant de prendre des décisions majeures. En effet, nous faisons souvent face à des pressions provenant de notre entourage, que ce soit notre famille, nos amis ou nos collègues de travail. Tous ont leur mot à dire pour nous aider. Si nous avons le malheur de les écouter, il se peut que nous prenions alors des décisions mal éclairées. Munissons-nous donc de patience, car Dieu a le contrôle de la situation. Il sait exactement comment et à quel moment nous devrons agir. Lorsque nous désirons humblement que Dieu nous guide, il nous montre toujours quelle doit être la prochaine étape. Dieu désire nous bénir abondamment, mais nous l'empêchons de le faire lorsque nous prenons les devants sans l'attendre. Bien que vos circonstances semblent exiger une réaction urgente, prenez toujours le temps de consulter Dieu. Puisqu'il connaît l'avenir, il est utile d'attendre de recevoir ses instructions parfaites. Le psaume 62, des versets 6 à 9, encourage ceux qui désirent ardemment obéir à Dieu et qui cherchent sa volonté. « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. » En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Lorsque Moïse a tué un Égyptien pour aider son peuple, il a dû fuir dans le désert. Dieu lui a ensuite demandé de guider son peuple vers la terre promise. Souvenez-vous, le temps de Dieu est toujours le meilleur. Ce que vous venez d'entendre vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir comment des gens comme vous et moi ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ tout en dégustant un délicieux déjeuner gratuit? Les Déjeuners de l'Espoir sont offerts à la grandeur du Québec. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site Internet au www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.